de peur que de mal, plus de bonheur que de larmes. Dans cette vie j'ai connu plus de sœurs que de femmes, plutôt frères qu'amants, plutôt fréquemment. Parfois j'aimerais savoir, j'aurais dû faire comment, pour que les filles se disent qu'est-ce qu'il échoue, que les mecs se demandent entre eux quand est-ce qu'il échoue. Je me sens très vite stupide, faut que j'arrête mon cinéma, tous mes crushs m'ont zappé comme le générique du film. Peu demande au guichet pour m'aguicher, quand c'est le cas j'en profite pas. Vu mon profil, je garde profil bas. J'ai pas le niveau pour les postes bad, elles me font bégayer donc je préfère les relations par courrier postal. Romantisme mal placé, j'imagine que c'est normal qu'elles finissent par se lasser. Je parle peu, jamais dans la drague, la concurrence est rude. Rien que dans ma ville, déjà trop de séducteurs en ces rues. Discussion bancale, et je m'en excuse. Involontairement, je cache les plus belles histoires et je m'en exclus. Un sourire et je baisse les yeux, le visage grave pâle. Les filles qui m'attirent le plus ne le savent pas. Le temps chasse les peines, on s'en remettra. Difficile de croire que mon air innocent m'aidera. Comment leur montrer que je veux les serrer dans mes bras, quand elles s'imaginent que je voudrais seulement les serrer dans mes draps. Pour faire baisser la tension, j'ai lâché prise. Faut se faire une raison quand celle sur laquelle tu flashes est prise. J'abandonne les tirades et les sérénades. Ma Vénus n'est pas de cette planète, elle est comme Serena. Ma Vénus n'est pas de cette planète, elle est comme Serena. Paraît que l'amour est mort, d'après les sondages. Est-ce que j'ai tort de croire encore qu'il existe à mon âge? Mon âme sœur ne vit qu'à travers mes songes. J'entends mes potes me dire que l'amour n'est qu'un vulgaire mensonge. Ça me fait l'effet d'un coup de pied dans le crâne, plus les idées claires. Mon cœur attend l'éclair et moi j'attends le Graal. Trop d'aventures qui se terminent en tragédie. La passion ne dure qu'un temps, lundi tu l'aimes, elle te quittera jeudi. Mon cœur s'est verrouillé, comme s'il a verrouillé. Les je t'aime restés sans réponse m'ont mis des dérouillés. Beauté lointaine, inatteignable et délicate. Vénus est solitaire, ce qui s'approche un peu trop d'elle éclate. Mais rien n'y fait, son beau visage qui boude m'a plu. Je lui écrirai tant qu'il y aura de l'encre au bout de ma plume. Il me manque l'essentiel, pour m'envoler jusqu'au bout du ciel. Sans elle je ne suis qu'un oiseau dépourvu d'elle. Le temps s'arrête, ma mémoire suspend la scène. Chaque fois qu'elle me prend la main pour que je trace des lignes dans la sienne. Insensible à la pollution sonore, les relations d'un soir ne vaudront jamais les noces en or. La nuit je gamberge, je me sens submergé, mes pas sont guidés par la lumière de l'étoile du berger. Aimer à cœur ouvert, c'est prendre un risque hors pair. C'est sans anesthésie que la magie opère. Cruel et merveilleux, l'amour rend aveugle, parce que quand on s'aime vraiment, ça crève les yeux. Au final, je sais pas si l'amour est partout. Mais je sais que l'amour est partout.